Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Apparemment pour la plupart on est des parasites. Il faut que je parte ici, mais y'a seulement le rap qui me garde ici. Je vois des poches qui partent à vie pour le paradis ou pour l'enfer. Mais mon frère, cette pensée me paralyse. C'est comme une maladie, maladie. La vie un combat où je participe, où plus rien me fascine à part ma zig. Mon zinc, ça parle de fric, ça parle de fringues. Mais je vois des putes et des badins qui se font passer pour des dingues. Donc leur âme s'enfuit dans leur monde superficiel. M'amène là-bas, te ramène du vrai rap officiel. Mes messages se partagent, les tiens ne partent pas. Et si t'as rien à dire, ferme ta gueule, ne parle pas. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. La monnaie fait tourner le monde, ouais. Où l'amour et l'amitié sont morts depuis longtemps, mon pote. Ils se butent, ils se battent pour des thunes dans le pot. Où la plupart sont bas, des fils de pute, ils testent, me stop. Mais la puissance de mon rap, c'est mon antidote qui me donne panique et puis je braque. Tous ces sortes dans mon sac avec vous, prends des mauvaises expériences, j'ai vu la délinquance devenir indépendance. Mais j'ai vite fait compris que la vie c'est moins facile que fragile. Ils m'ont tout expliqué, sauf de quoi il s'agit. J'ai pris de la sagesse avec l'âge, mais dans ma vie le style de c'est dans le décalage. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des gens sont armes, je les croise par son. Ils traînent, ils s'entraînent dans ma ville, et même les plus jeunes ils s'engrènent. Il suffit de 100 grammes et 200 graines pour rentrer dans l'illégal. Faites les chauds, les souffles, mais les trois quarts c'est des pédales. Un vrai gars qui vient chez toi pour son cachet, ouais. Je veux tout le gâteau et puis je m'en fous de ton pourcentage. Le pourcentage, il est grand dans ton mouvement. Fous mal qu'on la base, quand même tout ce que je représente. J'espère que tu me comprends, jamais je tourne ma veste. Tout comme sur le sang, la base, tu ne pourrais pas t'aider. J'atteste du bon sang, tu peux pas me contredire. Toujours en contre-sens et puis tous mes projets sont creusés. Dans mon squat, que des vraies têtes de sang dans le tien. Que des vraies têtes de cul. Pas de compare avec mes textes de rue et puis tes textes nuls. Mais mes textes te brûlent, ouais, mais mes textes te brûlent, ouais. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas, la fois je ne comprends pas. Des fois je ne comprends pas, des fois je ne comprends pas, non, des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, non, des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime. Des fois je ne comprends pas la vie qu'on mène, la merde de nos communes, plus rien de commun avec les gens qu'on aime.